Unité 2. Entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Monsieur Abdou Benassen de la chambre 318, il y a un appel pour vous. Veuillez vous rendre à la cabine du deuxième étage. Merci.